Chapitre 21e. Paradis artificiel. Au crépuscule, de retour chez elle, à peine la porte franchie, Zahra voit se dresser devant elle la haute stature de son frère aîné, Abdelkader, en hostile attitude de commandeur. « À 7 heures, tu rentres ?» Habituée à ce comportement du jeune, la sœur ne perd pas son sang-froid. Elle répond calmement. « J'ai eu du travail supplémentaire à l'hôtel, comme cela arrive de temps en temps. » Une fois la porte fermée derrière elle, Zahra constate que seul son frère est dans l'appartement. « Maman, où est-elle ? » « Chez une voisine, » répond Abdelkader, « pour demander une tomate, vu que toi, tu es incapable de trouver un travail meilleur pour nous éviter cette humiliation. » Zahra préfère ne pas réagir à l'évidente provocation. Elle dit à son frère, du même ton tranquille, « À propos, je voudrais parler avec toi. »« De quoi ?» éructe le frère, contrarié. « Asseyons-nous, je t'en prie, » l'invite-t-elle. « Ce que je dois te dire est important. » Elle lui indique le vieux érapé tapis. Il ne bouge pas. « Je préfère rester debout, » tranche-t-il. « Parle. » Il fixe droit dans les yeux sa sœur, d'un regard très dur, prêt au combat. Zahra, connaissant bien son frère, n'est pas impressionnée par ce coq. Elle feint l'impassibilité. « Est-ce que, » reprend-elle, « tu accepterais de faire un travail sans aucune fatigue ni aucune humiliation ?» Il la regarde désarçonné puis ricane. « Ça existe ?» Elle lui relate la proposition de Karim, sans révéler l'auteur. « Qui t'a parlé de ce travail ?» demande le frère, méfiant. « Une amie. Elle travaille avec moi, à l'hôtel. »« Tu me vois ?» déclare-t-il avec arrogance. « Enchaîner une chaise pendant 8 heures par jour, 6 jours sur 7. »« Et toi, » objecte-t-elle un peu excédée, « tu ne vois pas dans quelle misère est notre famille ?» Touché par l'objection, le matamour change soudainement d'attitude. Il déclare, d'une voix basse, confidentielle. « Peut-être je vais quitter le pays, et j'aurai beaucoup d'argent, que je vous enverrai. » Avec quels moyens quitterais-tu le pays? J'ai des amis pour m'aider. Quels amis? S'inquiète vivement la sœur. Là, tu demandes trop. Et tu vas aller où? Ajoute-t-elle. Tu le sauras au moment opportun. Pourquoi pas maintenant? Là aussi, attends pour le savoir. Oh, Dieu! Que fais-tu tomber sur mon frère? Zahra se rappelle soudain le comportement très singulier manifesté par Abdelkader depuis quelques mois. Sur les canaux télévisés, il s'était mis à chercher tout le temps des informations sur la Syrie, et quand on parlait de Daesh, ses yeux brillaient d'une affreuse intensité. En outre, Zahra avait également remarqué un autre changement de comportement chez son frère. Souvent, il était en compagnie de Omar, le marchand de fruits. Alors Zahra, terrorisée, lance à son frère « Jidaïste, c'est ça ?» Il met brusquement sa main droite sur la bouche de sa sœur, lui intimant silence. Elle a le courage de lui écarter la main, puis insiste, furieuse, sans élever la voix, par prudence. « C'est ça, n'est-ce pas ?»« Que vaut-il mieux » réplique-t-il, « mourir drogué ou comme Mujahid ? Là, au moins, je me battrai comme homme, contre les maudites injustices dont je souffre, et en cas de mort, le paradis m'attend. » « Qui t'a mis ces pensées dans la tête ?» Au lieu de fournir l'information, il l'affirme. « Subir les humiliations est indigne d'un homme. Il doit les combattre. » Au risque de mourir en chaïd, en martyr. Alors seul le corps meurt, mais pas l'âme. Elle ira directement au paradis, où elle jouira de tous les plaisirs dont elle a été frustrée sur terre. « Et tu crois à tout ça ?» demande Zahra, effarée. « Je suis musulman, donc je le crois. Toi aussi, tu devrais le croire. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ?» Stupéfaite par la proposition, Zahra dévisage son frère, essayant de mieux comprendre. Puis... Et notre famille, qui travaillera pour elle ? Al-Kawa. Les frères s'en chargeront, assure Abdelkader avec fierté. Nous aurons une paye et une belle somme. Et si on meurt ? La famille continuera à recevoir l'argent nécessaire, on me l'a assuré. Zahra baisse les yeux, très secouée, elle réfléchit. Nous sommes tous, déclare Abdelkader, dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Il ne nous abandonnera pas. Tu parles ? Veut crier Zahra. Du paradis artificiel de la drogue au paradis artificiel des terroristes. Elle se retient. Inutile. Écoute, dit le frère, si tu veux, je te présente Kawa. Ce serait magnifique de partir tous les deux, toi et moi. Qu'en dis-tu? C'est hurler que voudrait Zahra, hurler son indignation, sa douleur, sa révolte, hurler contre cet incompréhensible Dieu, hurler contre les infâmes détenteurs de l'État algérien. Hurler contre toutes les méprisables personnes méchantes qui empoisonnent le pays. Hurler contre toutes les personnes stupidement résignées. Hurler contre son crétin de père en proie à l'alcool. hurler contre sa naïve mère, incapable de se construire une vie digne, hurler contre son frère tellement imbécile. Et tout d'abord, hurler. Contre toi-même, Zara. Oui, toi-même, Zara, la marionnette de tous, qui te vend pour une miette de pain, sans même oser avouer par quels moyens, qui fréquente un jeune homme t'accordant sa confiance, alors que toi, misérable, tu l'espionnes. Dans la tête de Zara surgit l'effarante image d'un long couteau de cuisine. Oui, je me trancherai moi-même ma maudite gorge. Ce ne serait qu'une fin logique de mon horrible existence en comparaison de laquelle celle d'une chienne est infiniment honorable.